C'est après mon divorce, je commence à jouer. Ma copine m'a emmené, mais viens Marc, viens, on sort, viens au casino, on casse, ça va te faire du bien, viens, on va en gain, viens, on va en gain. J'avais pu prendre, je sais pas moi, à l'époque, j'irais 100 euros, j'ai gagné 400. Et puis voilà, de fil en aiguille, fil en aiguille, fil en aiguille. Mais j'ai mangé, moi, 200 000 euros en 4 ans au casino. Ah oui, j'ai bouffé toute ma vie au casino en 3-4 ans. Un truc de fou. Hein. Le dimanche à Forge des Eaux, tous les soirs à Enghien, tous les soirs. Mettons 6 jours par semaine, tous les soirs. Sortait du casino à 4h du matin parce qu'il fermait. Et bien au moins 3 fois ou 4 fois par semaine qu'on quittait Enghien, qu'on ait perdu ou gagné. Et on montait à Paris dans des cercles de jeu. Et on mangeait encore 500, 800, 1000 euros. On perdait pas tout le temps. On prenait 3000, on perdait 2000, on perdait 5000, on gagnait 5000. Eh bien, systématiquement, on allait manger du sous-ballonnion à 8h le matin. Tout le monde allait travailler. Et allez, c'est con, ils vont travailler. Nous, on dormait la journée avec 2-3 potes. Là. J'ai été au casino 1000 fois. 1000 fois, je me suis dit, je prends que 1000 euros. Au casino, on partait avec 500 et 1000 euros au casino, pas moins. Hein. Autrement, ça ne va pas y aller. Il y a des mecs qui vont avec 100 ou 50. Hein. Et puis, j'ai assez pour jouer. 500, j'y bouffe 500, c'est pas mal quand même dans la soirée. Ah, mais si je perds et puis je peux me refaire, eh ben, je prenais le carnet de chèque et la carte bleue. Jamais j'ai été au casino sans prendre mon carnet de chèque et ma carte bleue. J'arrive pas. C'est tellement facile la carte bleue. Bonjour chère machine, comment tu vas la machine? Hein, c'est Marcus. Tiens, tu me donnes un peu de sous? Oh, à genoux devant, merci machine. Copain mort de rire, côté de moi. Je dors pas, je la caresse, je donne des ronds. Mais je me suis mis des coups dans la figure des fois, oui. Des claques. En voiture, en volant dans rien, sur la route, je me disais, mais écoute pas, le lendemain j'avais des bleus, hein. Je te jure, j'avais des bleus. Le pire, c'est quand j'ai gagné, mettons, 2000, et que je repars avec zéro, quoi. Ça, le pire. Ben, je me mettais des coups comme ça. Mais si tu veux, 3 jours après, le copain me dit, à 10h le matin, ça va, Marcus, on va au casino. Non, j'y vais plus. Mais le fait qu'il me dise, c'est dans ma tête. Et ben le soir, à 11h, minuit, et... Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Oh non, j'y vais pas. Eh ben, j'y vais. Alors, ça, le casino, ça y est, c'est fini, ça. Depuis 2 ans, tu vois. Même là, on en parle, à mon avis, j'aurais pas envie d'y aller ce soir. Ça, casino, j'y vais plus. Tu vois, franchement. Avant, je regardais le poker. Tu sais, à la télévision, le soir, ils font des tours de poker. Avant, je regardais ça. J'aimais bien regarder. Mais maintenant, à chaque fois que je vois, hop, je zappe direct. Je fais ça. Je fais ça carrément. Faut pas que je voie une carte. Et c'est pour ça que je me suis privé, moi, à ma banque. Je peux rien acheter sur Internet, je peux rien faire sur Internet avec ma carte. C'est moi qui ai demandé ça. Tu vois? Mais tout ça, j'ai zappé tout ça. Mais ils m'envoient toujours, même depuis 2-3 ans, j'ai pas joué sur Internet, là, ou ouais, peut-être 3-4 ans, peut-être même, ou 2-3 ans. Et ben là, il se passe pas 3 jours ou une semaine sans que le PMU, aussi les sites de poker, ils m'envoient pas des petits emails en disant reptile, mettons. Bonjour reptile, on vous a pas vu sur notre site depuis plusieurs mois, revenez jouer chez nous, mettez 100, on vous offre 100, revenez jouer, tu vois. Et puis les chevaux, c'est vrai que j'ai recommencé un petit peu les chevaux depuis quoi? Depuis le début de l'année, là. Mais j'y vais quoi, allez. Moi, j'ai pas été pendant 2 mois, puis après j'y vais tous les semaines, puis après maintenant j'y retourne environ 2 fois par semaine, tu vois. Je recommence un petit peu, là. Moi, je ne suis pas le cheval. Moi, j'ai des fois, je joue des courses, je ne mets pas le cheval là, puis les copains me disent, Marcus, tu as joué le 9. Imaginons. Mais le mec, il vient exprès du midi, il est venu pour gagner cette course. Ils l'ont préparé pour cette course-là, donc il a beaucoup de chances de gagner. Je ne suis pas les chevaux. Alors, des fois, c'est leur prénom qui me plaît. Ah, le 3, il est bien. Comment il s'appelle? Poupée d'amour. Ah, poupée d'amour, il va gagner. Mais je joue comme ça, je ne lis pas les journaux. Hein. Moi, j'arrive, je vois le cheval. Un gris, j'aime bien les gris, je vois un gris, je veux un contre un, et il peut être là. Bon, un petit billet. Après le favo, il a 4,5. Le favo, qui sait, bah, c'est machin, un tel, ouais. Oh, je vais mettre 50-50 dessus, tiens, celui-là. Bon, celui-là, il a 4 contre 1, celui-là, il a 20 contre 1. Je me dis, il va peut-être arriver. Après, je vais faire un petit multi, tiens, j'en mets 5. Mais moi, j'ai vu des mecs gagner un seul ticket. Hein. Il a mis 2 euros, il a pris le quintet en 2 heures, 30 000 euros, quoi, avec un ticket. Un spot, tu vois, un truc aléatoire, un spot. Moi, j'ai jamais gagné les spots. Jamais, jamais. Encore avant-hier, j'en ai fait 15 ou 20, là, à 2 euros, 40 euros de spot, 40 tickets. Sur les 40 tickets, c'est aléatoire. J'avais 0 francs dessus. Truc de fou. Hein. Mais la réalité, tu ne peux pas savoir quand tu es en train de jouer. Et puis que quand j'ai le couplet gagnant ou le trio gagnant, ou tu vois, je note toujours quand les chevaux ils arrivent. Le 7, il a 7 contre 1, l'autre, le 12, il a 22 contre 1, l'autre. Oh, j'y vais faire une tonne, là. Putain, là, il va faire une tonne. Ah, là, je suis content, là. Il va faire une tonne, là. Là, je prends 1000, hein, je prends 1000. Le mec, je vais prendre 1000. Hein. Je peux y avoir avant, presque, des fois. Là, je prends 1000. Puis, des fois, c'est, au lieu de prendre 1000, je prends 2000. Oh, putain, j'ai pris 2000. Tu peux savoir comme ça fait du bien. Pas une jouissance, mais presque, quoi. C'est pire au poker ou à la roulette, parce que... Là, la roulette ou au poker, c'est tous les 3 minutes, quoi, tu vois, un jeu, tous les 3 minutes, hein. Alors qu'au PMU, c'est tous les quarts d'heure, 20 minutes, tu vois. Mais au poker, tous les 3 minutes, t'as des cartes. Putain, j'ai 3 as. Qu'est-ce que je fais là, putain? Pff, c'est bon, là. C'est une drogue, c'est resté ancré en moi. Truc de fou, hein. Le problème, c'est que je sais pas gagner. Moi, quand je gagne 500, pour moi, c'est normal, tu vois. C'est ébranle mon dû. Si je gagne 5000, oui, d'accord, mais si je gagne 2, 3, 4, 500, 600. Vraiment, si j'ai pas plus de 100 euros minimum, je vais pas jouer de toute façon. C'est quand je commence à avoir 300-400 euros dans les poches que je vais jouer. 50, je me dépasse pas. Hein. C'est pas assez. Chaque course, je joue minimum 50. Chaque course. 50, 100, 150. Alors tu perds une fois, tu perds deux fois. Tu imagines un peu? La fois la paix, tu gagnes 80. Bon, tu rejoues un peu la fois la paix, tu gagnes 100. Et tu repères. De toute façon, à la fin de la journée, comme je suis pas raisonnable, eh ben, il me reste rien ou je suis à zéro. Mais les trois quarts du temps, tu as perdu. Hein. Trois quarts du temps, t'as perdu. C'est clair. Parce que je veux pas que ça soit comme ça. Moi, je veux gagner tout le temps. Tout le temps, j'ai envie de gagner. Je joue toujours pour gagner plus. Je sais pas m'arrêter. Je sais pas m'arrêter. J'ai des potes qui sont avec moi des fois, tu vois. J'ai un copain, il me dit, Marcus, j'ai gagné 300-400 euros. Marcus, tu prends 300 euros. Non, tu comptes pas. Il m'arrache carrément les billets des mains. Il me dit, je remets ton 400 et je te prends 300. Non, putain, ta gueule. Prends 300, mais on s'approche. Bon, et salut, Marcus, à demain. Il me laisse avec mes 100 euros. Une heure après, je râle. Je dis, putain, mais le lendemain, je suis content. Au moins, je n'ai pas perdu, tu vois. Moi, j'ai les bistrots, je ne veux plus y aller. Je vais à les bistrots, j'y vais plus. J'ai encore été avant-hier jouer, mais j'ai encore perdu 200 euros avant-hier, tu vois. Mais je dis au patron, je ne sais pas que je vous aime bien. Mais il y a une télé avec les chevaux. Je ne viens pas chez vous. Je refuse des endroits. Mettons, j'arrive à 7 heures le soir où il n'y a plus de course, j'arrive. La télé, patron, plus de course. Ah, bah tant mieux. Ah, bah avec les copains, on boit, on discute, on déconne, tu vois. Mais si il y a une télé, je suis plus avec eux, c'est fini, je suis ailleurs, hein. Je suis au chevaux, là. Mais autrement, j'ai jamais eu envie de... Tu sais, tu peux appeler des numéros spéciaux là, pour t'arrêter de jouer ou te faire interdire. Jamais je l'ai fait, ça. Parce que je me dis, ça me servira à rien peut-être de m'interdire de jouer. Je sais pas comment ça peut me fonctionner, ça. Si tu peux plus jouer, ben, je fais jouer mon copain, mais je ferai jouer un mec à ma place. C'est sûr que je ferai ça. Et puis je m'en rends pas compte, tu vois, dans mon salaire et tout. Parce que je travaille toujours, tu vois, bon, j'ai ma retraite. Et je fais pour minimum 2, 3, 4 000 par mois de boulot, tu vois, en plus, tu vois. Mais il y a comme ça que je m'en sors. Quand je m'en sors, non, pas comme ça que je m'en sors, mais... Le problème, c'est que moi, j'en ai toujours gagné de l'argent. Mais le jour où j'arrête, j'ai que mes 800 pour vivre de retraite. Là, je ferai plus les PMU, hein. C'est sûr, hein. Je pourrais plus faire ça. Hein. C'est pour ça, ben, je continue à travailler. Tu fumes pas, toi, au fait? Si, je fume. Tu veux qu'on aille fumer ces petits cigares vite fait? Allez, d'accord. Éteins-le, alors. Avec Kizuna, Kazakh bleu avec des parements rouges, c'est Yota Kata qui est côté corde, Joshua Twitch se défend bien, avec un peu plus loin, Kazim qui est pris de vitesse, mais c'est Trèves, maintenant la vaincue qui prend le meilleur au pavillon. Avec Trèves qui a l'avantage, content de longueur d'avance sur les Japonais, Orfèvre à l'extérieur, un télo côté corde, Kizuna qui vient à l'extérieur, incroyable, Trèves qui a l'avantage maintenant, à 150 mètres, début de devant Orfèvre, un télo, ainsi que Kizuna à l'extérieur.